Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Maxime Blondeau. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette cinquième saison, le podcast est encore et toujours soutenu par la NEF, une coopérative bancaire éthique qui existe depuis 35 ans. Concrètement, ça veut dire qu'elle collecte de l'épargne auprès des particuliers et que grâce à cette collecte, elle va financer des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est la banque des 2030 glorieuses. Cette banque, elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses 47 000 sociétaires et qu'elle favorise leur implication. Elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent. Et elle est transparente parce qu'elle est le seul établissement bancaire à publier l'intégralité des prêts qu'elle réalise. Elle ne finance que des projets engagés. Moi, c'est un partenariat qui me permet d'interviewer plein de projets qui participent aux 2030 Glorieuses et des personnes inspirantes comme toi aujourd'hui, Maxime. Maxime Blondeau, donc, tu es enseignant, conférencier et entrepreneur. Ton ambition, c'est d'articuler une nouvelle vision de l'espace et du territoire entre conscience globale et locale. Ensemble, on va donc parler de révolution cosmographique, de confiance dans l'avenir et de comment changer notre regard sur le territoire. Pour commencer cet échange, et pardon pour cette introduction un peu longue, Maxime, je te pose la question que je pose à tous mes invités au début de notre entretien, à savoir, imagine, tu es dans un événement confronté à des inconnus et arrive la question fatidique, celle qu'on en vient presque à redouter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et toi, qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Oui, alors ben, je fais partie des gens qui ont du mal à répondre à cette question parce que j'ai... on va dire un mode d'action que j'ai choisi relativement indépendant puisque je suis pas salarié, je crée des structures, des organisations, je diffuse un message, je suis moi-même un peu un média, je suis prof, donc j'enseigne. Donc j'ai vraiment plusieurs casquettes. Je dirais que ce que je fais avant tout, c'est d'être entrepreneur de mes idées. Et des idées qui ne sont pas que les miennes d'ailleurs, hein, que je partage avec un grand nombre de personnes, et un petit peu à la manière d'un entrepreneur, j'essaye de faire fructifier non pas l'argent que ça ramène, mais plutôt le rayonnement que cette idée peut avoir et l'effet qu'elle peut produire sur les autres, et puis pourquoi pas sur la réalité, sur le monde, sur les territoires, puisque c'est mon sujet. Donc en gros, j'ai 3-4 casquettes. La première, c'est celle de prof. La seconde, c'est plutôt celle de média. Alors, on dit parfois influenceur, mais en gros, j'ai une communauté sur les réseaux sociaux. Celle d'auteur maintenant, puisque j'écris des livres et peut-être bientôt des programmes télé ou peut-être documentaires. Donc, c'est vraiment cette casquette auteur. Et puis, j'ai une casquette plutôt entrepreneur où j'ai créé des coopératives, j'ai créé une société, j'ai créé un syndicat aussi. Donc voilà, j'ai un peu toutes ces casquettes-là. On pourrait avoir 10 interviews différentes avec toi pour effectivement parler de toutes ces casquettes. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu gardes une seule casquette, celle du cosmographe. On s'est parlé, on s'est rencontrés dans la vraie vie puisque je fais partie des dizaines de milliers de personnes qui te suivent, notamment sur LinkedIn. Mais tu nous parlais de la cosmographie et de ton métier de cosmographe. Est-ce que tu peux te contenter, s'il te plaît, te limiter à cette casquette dans notre échange des 40-45 minutes à venir, s'il te plaît, et nous dire tout simplement en quoi consiste la cosmographie pour toutes les personnes qui n'auraient jamais entendu ce mot. Oui, alors ça, du coup, c'est ma casquette un petit peu plus, on va dire, intellectuelle, celle des idées. La cosmographie, c'est un terme très ancien, qui a plusieurs milliers d'années. C'est l'ancien nom de la géographie. Donc la géographie, c'est plutôt un terme qui est devenu courant au 19e siècle, quand c'est devenu une discipline académique en tant que telle. Mais avant que l'on fasse de la géographie, les savants, les érudits qui produisaient des cartes du monde, des cartes des territoires, étaient plutôt des cosmographes. Pourquoi ? Parce que il y avait de fortes dimensions spirituelles, parfois de dimensions religieuses, et de manière générale, c'est des gens qui essayaient de représenter graphiquement l'univers. Et donc parfois, ça impliquait le soleil et la lune, ça impliquait un petit peu tous les éléments qui composent le lieu ou les lieux que l'on habite. Donc la cosmographie, ça a été ça à travers les siècles. Et aujourd'hui, c'est encore une discipline universitaire, mais qui relève plutôt de l'astrophysique. C'est une branche de l'astrophysique, la cosmographie. C'est l'étude de la représentation graphique des confins de l'univers visible. Donc ça va être des gens qui essayent de représenter la naissance des galaxies, ou à quoi pouvait ressembler le Big Bang, ou à quoi ressemblent les nébuleuses ou les étoiles les plus proches. Donc ça, c'est la cosmographie au sens académique, universitaire aujourd'hui. Mais moi, au fil de mon parcours, en tant qu'entrepreneur, en tant que prof, en tant que militant, associatif, mon sujet, c'est plutôt le sujet écologique. Et le sujet écologique, à la croisée des sujets un peu technologiques, je me suis beaucoup intéressé aux questions du numérique et à la manière dont notre attention, c'est-à-dire le regard que l'on prête ou que l'on porte à ce qui nous entoure, est changé, modifié par les nouvelles technologies. Donc ça, c'est un peu le point de départ de mon parcours en tant que prof. Et ce que je propose de dire, c'est qu'en fait, la représentation du territoire que l'on a aujourd'hui dépend non seulement de notre connaissance ou de ce que l'on est capable de faire en géographie, c'est-à-dire l'étude de la géosphère, de ce qui va relever des montagnes, des rivières, des reliefs, des frontières, etc., mais aussi de deux autres dimensions, en plus de la géosphère, qui sont la biosphère, le vivant qui va composer lui-même le territoire, qui va lui donner une forme, qui va le faire naître aussi, qui va le transformer en permanence, donc le monde animal, le monde végétal, le monde microbien, qui fait aussi partie pour moi du territoire, et enfin la technosphère, donc tout ce que nous, humains, on intègre à ce territoire, comment on le transforme, comment on l'améliore, comment on l'abîme aussi, et donc cette confluence entre géosphère, biosphère, technosphère, donc géo-bio-techno, pour moi, ça va au-delà de la géographie. C'est ce que j'ai décidé d'appeler cosmographie, et en fait, je ressuscite une science ou une discipline qui est très ancienne. J'essaie de lui donner des formes modernes, notamment au travers des réseaux sociaux, des images satellites, des cartes ou des modélisations, tout ce que je peux trouver pour dire des choses intéressantes ou penser des choses intéressantes sur le territoire. Ouais, c'est marrant parce que, en fait, cette même année, enfin, c'est marrant pour moi en tout cas, cette même année, j'ai rencontré deux personnes qui se sont présentées comme cosmographes, à savoir toi et effectivement Hélène Courtois qui travaille à donner une représentation visuelle accessible des galaxies. Et donc, tu en as parlé un peu. Il y a aujourd'hui cette vision, cette définition, ou en tout cas l'utilisation du mot cosmographie qui est fait dans ce cadre-là. Et des gens comme toi qui reviennent à la racine du mot et qui essayent de nous montrer à travers, comme tu le fais très bien, notamment des cartes, qu'on doit complexifier, on doit nuancer notre relation au territoire et le voir de manière beaucoup plus interdépendante que ce qu'on veut bien le voir ou ce qu'on nous montre actuellement. Est-ce que tu as rencontré, j'allais dire, d'autres cosmographes old school comme toi ? Et si oui, on parle de quoi entre cosmographes ? Alors non, j'ai jamais vraiment rencontré de cosmographe. En effet, la différence entre les astrophysiciens qui étudient les galaxies, c'est que donc moi j'appelle ça un petit peu pour provoquer. Hein. J'ai beaucoup de respect évidemment pour ces éminents. Et puis Hélène Courtois, c'est vraiment quelqu'un qui a une renommée mondiale. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Une queen, ouais. Incroyable. Voilà. Donc je dis pas du tout ça, mais c'est que ce que j'appelle le syndrome du télescope, c'est-à-dire qu'on va mettre parfois dans nos sociétés ou dans la science ou dans le monde universitaire ou dans l'économie l'essentiel de nos ressources, de nos moyens, de notre intelligence à explorer ce qui est le plus lointain, ce qui est le plus inaccessible, ce qui est le plus vaste aussi, alors que peut-être que la clé de l'équilibre ou du soin ou même tout simplement de la prospérité se trouve immédiatement autour de nous. Donc moi, j'ai envie de faire de la cosmographie du proche. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un tas de mystères à dévoiler dans ce qui nous entoure immédiatement. dans le territoire, à l'endroit où l'on habite. Et donc, cette cosmologie de l'immédiat ou cette cosmologie du proche, je pense qu'elle est complémentaire de la vraie cosmographie au sens universitaire, celle de l'astrophysique. Alors, est-ce que j'ai rencontré des cosmographes pour l'instant ? Pas vraiment. Moi, j'usurpe un petit peu le terme, hein, puisque je lui donne une autre dimension. C'est le simple fait que je choisisse ce terme-là qui aussi révèle un peu ma vision du territoire, celle que j'essaye de diffuser dans les entreprises, auprès des administrations. En revanche, je travaille beaucoup avec des géographes et je travaille beaucoup aussi avec des géologues et avec des... personnes qui vont travailler dans le vivant, qui vont travailler dans la biosphère ou de manière générale dans les nouvelles technologies. Donc c'est vraiment ces trois sphères dont je parlais tout à l'heure, le géo, le bio et le techno, qui sont des milieux ou des sphères des disciplines en tout cas que je fréquente plus souvent. C'est souvent sur les sujets d'urgence écologique et d'autres concepts que tu as listés dans ta réponse précédente, des ingénieurs qui prennent la parole, un peu des militants, parfois des penseurs, des poètes. On a assez peu cette porte d'entrée comme celle que toi tu prends, à savoir le territoire avec la carte. Et c'est beaucoup ce que tu fais sur LinkedIn. Et toi-même, j'ai l'impression qu'au moment où tu t'es lancé dans ce filon, je ne sais pas comment le dire autrement, pardon, tu as été toi-même surpris de cet intérêt des Français pour ce support-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est autant encore en 2024 fasciné par la carte ? Mon explication, et qui est plutôt cohérente avec mon travail, et il y en a évidemment plein d'autres, mais mon explication, elle relève de ce que je citais tout à l'heure, qui est celui de l'attention. L'attention A-T-E-N-T-I-O-N. Nos capacités attentionnelles, on pourrait dire aussi les paysages attentionnels ou les modes attentionnels, la façon dont on fait attention à quelque chose. Et aujourd'hui, avec les transformations des technologies qui prennent de plus en plus de place dans nos vies, le numérique, l'iPhone, les écrans, les données qui circulent, les transports, la mobilité qui modifie notre vision de l'espace et du temps, eh bien, l'attention que l'on prête à ce qui nous entoure diffère. Elle change. Et en fait, en anthropologie, on parle de volume géographique mental pour parler de la quantité d'espace qu'on se représente. Les générations qui nous précèdent se représentaient beaucoup moins d'espace que nous aujourd'hui, qui sommes des héritiers de la mondialisation du XXe siècle et des nouvelles technologies, de l'avion et du numérique, etc. Donc, en gros, les nouvelles technologies jouent un rôle sur notre perception de l'espace et du temps, et aussi sur notre attention, c'est-à-dire ça va orienter, déterminer, influencer notre regard, en fait, si on décide de regarder à droite ou à gauche, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde un lieu, un territoire, un pays ou une ville, etc. La conclusion, enfin pas la conclusion, mais l'intuition que j'ai par rapport aux évolutions de nos capacités attentionnelles et de la façon dont on prête attention au monde, c'est qu'on a un besoin de plus en plus pressant, d'une certaine manière, c'est celui de redonner une forme de cohérence, d'homogénéité, de vue d'ensemble à une complexité et une intensité, une abondance d'informations de plus en plus lourde et qui parfois nous fait perdre des repères. Le chiffre, la lettre de l'écriture, de l'alphabet, dont la production a explosé avec Internet. Hein. On produit plusieurs dizaines de milliers de fois plus de lettres en tant qu'être humain qu'il y a une ou deux générations. Il y a peut-être des échelles de comparaison à faire avec le nombre de kilomètres que l'on avale et peut-être aussi le temps que l'on passe devant un certain nombre de technologies par rapport au temps qu'on passait autrefois avec le végétal ou l'animal, eh bien tout ça fait qu'on a besoin de vue d'ensemble, de synthèse. Et en fait, la carte, moi je la présente comme un langage, donc comme un mode attentionnel, qui présente tout un tas de caractéristiques qui font du bien à notre esprit dans cette période d'intense, on va dire, atomisation de l'information. La carte, c'est une vue synthétique d'un espace, parfois peut intégrer le temps, qui a plusieurs dimensions. On peut voir une carte et juste la trouver belle parce qu'il y a une dimension artistique, il y a des couleurs, il y a des choix qui sont faits en matière de représentation. Puis après, il y a d'autres niveaux de lecture. Il y a le message de son créateur, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Il y a aussi des détails. On peut rentrer dans une carte et aller voyager avec son regard à l'intérieur d'une carte. On peut passer des heures, des jours à contempler une carte. En même temps, c'est un langage qui est plutôt holistique, puisqu'il vise à rassembler sous la forme d'une même et unique vue, parfois des données très complexes, qui rassemblent, qui redonnent de la cohérence. Donc je crois que, en tout cas, c'est mon intuition. La carte, elle a des vertus de soin, en fait. Et c'est un plaisir dans un paysage attentionnel qui est parfois douloureux. Hein. Parfois, on est dans le régime de l'alerte et de la notification. Donc la carte, elle a une vertu qui est plutôt celle d'apaiser, d'homogénéiser, de synthétiser, de développer une vue plus holistique, de retrouver parfois un petit peu de clarté. Alors c'est... Est-ce que tu penses qu'elle ne vient pas aussi un peu titiller notre étincelle un peu d'aventurier et d'aventuraire qu'on a chacun, chacune, soit en nous qui en fait a été implantée avec le temps par toutes les histoires qu'on se raconte, parce que j'essaie d'y réfléchir en t'écoutant, mais moi, tu vois, les Goonies, l'île au trésor, le Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'histoires, tellement de moments où moi, quand j'étais enfant, je me suis mis à rêver, à me dire mais bien sûr, c'est une aventure qui s'ouvre à moi. Et j'ai envie d'en faire partie, et ça passe par la carte qui est un portail, en fait. Ça propose des éléments concrets, mais là où, tu vois, sur ces questions écologiques, encore j'y reviens, en général on lit les choses à travers un tableur, un rapport, des graphiques, parfois une tribune, un manifeste, on a quand même assez peu de place à l'imagination, assez peu de place à l'émotion, là où la carte, c'est immédiatement ça. Est-ce que je t'apporte une vision qui est vraiment très propre à moi, complètement faussée, pas du tout partagée ? Non, bien sûr, elle est juste. Simplement, là, de mon expérience, depuis 18 mois, 2 ans, que je partage pas mal de cartes et que j'essaye de trouver celles qui ont le plus de force ou qui vont servir des messages, je dirais qu'il y a 3 catégories de types, enfin, 3 types ou 3 dimensions de la carte qui peuvent parler en fonction des sensibilités. Il y a en effet celle... plutôt qui va relever de cette aspiration humaine à l'exploration, à la découverte. Là, ça peut faire appel à des cartes tout simplement parfois anciennes. Hein. Il y a une esthétique de la carte ancienne, les grandes découvertes, les conquêtes des pôles, les grands explorateurs, mais aussi tout simplement les cartes topographiques, les montagnes, les océans. En gros, tout ce qui va évoquer le voyage, tout ce qui va faire les cartes marines, tout ce qui va faire appel à cette idée de la carte comme outil de liberté et d'exploration d'un monde de curiosité, d'altérité, de découverte. Ça, c'est une grande dimension que porte la carte. Mais en fait, c'est pas la seule. Il y a certaines autres personnes ou catégories de personnes, peut-être plus, on va dire... techniques dans leur approche, beaucoup d'ingénieurs qui vont apprécier des cartes qui sont très techniques. Donc en fait, il y a toute la question de la géodonnée, toute la question de la géomatique, et en fait la plupart des cartes qu'on utilise, en tout cas en nombre de cartes, je veux dire opérationnellement dans les entreprises, dans les administrations, sont pas tant des belles cartes qui évoquent le voyage, ce sont des cartes très techniques qui vont représenter des dimensions du territoire, qui vont représenter des données très précises, qui vont croiser un certain nombre de disciplines scientifiques dans une représentation d'image. Ça peut être utilisé, j'en sais rien moi, pour les gens qui construisent des immeubles, pour les gens qui créent du transport, pour les gens qui s'occupent de protéger les forêts, pour l'IGN, pour etc. Et en fait, il y a aussi des gens qui ont un vrai amour pour cette dimension très technique, très carto, très mathématique, très technique et scientifique de la carte. C'est un autre type de plaisir. Raisonner, tu veux dire. Ouais, raisonner et assez opérationnel. On n'est pas tant dans l'imaginaire, le récit, la fiction, ce côté aspirationnel de la carte. Là, on est dans le côté opérationnel de la carte. Et il y a des gens qui adorent ça. Moi, je fais partie des gens qui essayent de connecter ces mondes. Et puis, il y a un troisième niveau de la carte qui... on va dire, est plus contemporain, c'est celui de tout ce qui va relever des modalités de la carte avec les nouvelles technologies numériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de formes de cartes qui sont pratiquement des modélisations 3D. On parle des jumeaux numériques, par exemple, où on est carrément dans des jeux vidéo. Les jeux vidéo utilisent des cartes depuis un certain nombre de temps, donc on est un peu à la croisée de ces deux dimensions dont on parlait tout à l'heure, qui vont être la dimension exploratoire, aspirationnelle, le voyage, voilà, et puis une dimension très technique. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à la fois que les entreprises, les administrations, les Google, etc., essayent de créer des nouvelles expériences cartographiques à la croisée de ces deux-là, et parfois ce côté innovation, nouvelle technologie, ça attire aussi. Et de manière générale, sur la question écologique, la grosse vertu, la grande vertu de la carte, c'est qu'elle situe. Et en fait, avec la mondialisation, avec la crise écologique, avec les nouvelles technologies, on est plutôt dans une perte de repères spatiaux, et la carte, elle a un énorme mérite, c'est qu'elle vient situer un enjeu. Si on parle des forêts, si on parle de l'économie circulaire, si on parle de l'énergie, si on parle de l'eau, mais en fait, quand on le représente sous la forme d'une carte, ça soulage un petit peu devant cette sidération qu'un certain nombre de personnes ressentent vis-à-vis des problèmes climatiques ou des problèmes environnementaux en général, parce que ça paraît tellement complexe et parfois lointain et inaccessible, que la carte, si on l'utilise pour relocaliser, pour resituer les enjeux, ça donne du coup une dimension « Ah mais en fait, ça se passe ici chez moi, ça se passe dans ce territoire-là, ça donne envie d'agir, ça donne aussi sensation » ça génère cette croyance qu'il est possible d'agir. Et en fait, ça, c'est une très, très, très grande vertu de la carte. En fait, la carte est un préliminaire à l'action pour moi. Et c'est assez fort aussi dans ce sens-là. Maxime, c'était la transition parfaite pour faire ce voyage en 2030 Glorious, puisqu'en fait, on va l'incarner, ça, on va le concrétiser, on va lui donner de la matière, on va lui donner des couleurs, de la texture à cette vision, justement, qui réussirait à être mise en place à très court terme. Finalement, c'est le postulat des 2030 Glorious, on va en reparler. Mais avant ça, il y a toujours une petite coupure qui se fait avec l'invité qui vient avec une bulle d'inspiration, un cadeau qu'il nous fait à travers un court passage d'une lecture d'un roman qui représente, qui porte, selon lui, des valeurs qu'il aimerait voir se déployer en 2030 Glorious. Tu viens nous lire quoi, Maxime? Je vais lire un livre qui s'appelle Les Dépossédés de Ursula Le Guin, qui est une auteure de science-fiction qui a été nominée à plusieurs reprises pour le prix Nobel, qui est décédée en 2018, qui est une Américaine qui vivait dans l'Oregon et qui est, pour moi, est vraiment une des maîtres de l'imaginaire et de la science-fiction, et qui a écrit une œuvre qui s'appelle Les Dépossédés, qui a gagné tous les prix possibles de l'imaginaire et de la science-fiction dans les années 70. Et dont je voulais vous lire un extrait. Comparé à cela, toutes les scènes qu'Anarès pouvait offrir, même la plaine d'Abenay où les gorges du Nétera s'étaient fades, nues, arides, rudimentaires. Les déserts du sud-ouest avaient une grande beauté, mais elle était hostile, intemporelle. Même là où les hommes cultivaient Anarès avec le plus de soin, leur paysage ressemblait à une grossière esquisse à la craie jaune, comparée à cette splendeur gorgée de vie et riche d'histoire et riche de saisons à venir inépuisables. Voilà comment doit être un monde, pensa Chevec. Et quelque part dans ce faste bleu et vert, quelque chose chantait, une petite voix, haut perché, qui commençait et s'arrêtait incroyablement fine. Qu'était-ce, cette petite voix douce et sauvage, c'était une musique dans l'air. Il l'écouta et sa gorge se serra, et alors, on frappa à la porte. Merci Maxime pour cette lecture. Pourquoi ce livre Les Dépossédés alors, raconte? Alors en fait, c'est un livre d'Ursula Le Guin qui est une auteure de science-fiction et qui est aussi anthropologue, ethnologue, et dont le père était le premier anthropologue des États-Unis. Et en gros, elle a écrit un cycle qui s'appelle Le Cycle de Ayn. C'est 20 romans, et nouvelles, et chacune de ces histoires, c'est une planète, ou deux, en tout cas, c'est un monde. Et en gros, chacun de ces territoires, pour elle, est l'occasion d'aller parler d'un sujet. Ça peut être le sujet, par exemple, des hommes et des femmes, ça peut être le sujet du capitalisme et de l'anarchisme, en gros, les régimes politiques ou les modèles d'idéologie économique, ou alors ça peut être la question de la forêt et des populations indigènes. Enfin bref, à chaque fois, elle traite un sujet plutôt social, mais avec un territoire dans lequel elle fait des planètes opéra. Et donc l'extrait que je vous ai lu, c'est un des deux livres qui ont été les plus célébrés dans les années 70, s'appelle Les Dépossédés. Et en gros, elle décrit un monde, c'est en pleine guerre froide, qui est constitué d'une planète et de sa lune. Et sur sa lune, se sont isolés un certain nombre de personnes qui ont voulu bâtir une société utopique, anarchiste en fait, dont est extrait ce savant Chevèque dont on parle dans cet extrait. Et qui, parce qu'il découvre une technologie pour, en gros, communiquer à travers les étoiles, hein, une espèce d'Internet de cet espace-temps-là, est invité sur la planète, on va dire, principale, qui est une planète très capitaliste. Et c'est la première fois qu'il vient, et donc il en découvre la beauté. Et à la différence de son monde, qui est un monde très austère, avec, c'est une lune, donc avec très très peu de végétation, quand il atterrit sur cette planète, il découvre une forme de richesse végétale, des fruits, une opulence en fait, qui le sidère. Et en même temps, dans cet extrait, je l'ai choisi parce qu'on y voit aussi une forme d'équilibre et d'harmonie avec la présence humaine. Donc en gros, ça représente pour lui une espèce de forme d'équilibre et de paradis dans la façon de construire le territoire. Sauf que évidemment, au fur et à mesure du livre, donc au départ dans son récit, il se met à critiquer son propre monde d'origine, qui est cette société très dure, très austère, très autoritaire, qui est cette société anarchiste. On va dire qu'il s'inspire un peu des extrémités du communisme russe de l'époque, et il découvre ce monde extrêmement séduisant qui est un monde plus capitaliste et opulent. Et donc, évidemment, au fur et à mesure du récit, il va pouvoir réaliser que c'est aussi un monde à deux vitesses. Ne divulgage pas plus, Maxime, s'il te plaît. Non, mais en gros, c'est un livre qui, pour moi, est excellent dans sa manière d'aller pointer du doigt à la fois la beauté et la laideur dans ces deux grands systèmes politiques et économiques qui sont proposés, celui d'un monde du partage total et de l'abandon de la possession, il n'y a plus de propriété privée, c'est vraiment extrême, extrême. Elle arrive à en tirer la beauté, comme elle arrive à en tirer les défauts. Et de l'autre, le capitalisme avec toutes ses promesses et en même temps tous ses défauts, ses injustices. Et c'est passionnant. Pour ceux qui aiment la politique et l'économie, c'est très intéressant, mais surtout en quoi c'est relié à mon sujet, c'est que, en fait, tout est intrinsèquement lié à la perception, ou plutôt à la conception, en fait. Ce que moi j'appelle la réception, la perception et la conception du paysage, c'est-à-dire comment est-ce qu'avec ses propres sens, on se le représente, on se l'approprie, on décide d'y vivre, mais comment aussi avec nos technologies et nos choix, on le transforme. Et en fait, ce livre-là, et comme toute son œuvre, en fait, à Ursula Le Guin, pose vraiment la question de la relation entre les croyances, les représentations, et le territoire physique, biologique, géologique, géographique, dans lequel on se trouve. Donc c'est des planètes opéra, et vraiment, je le conseille à... Je pense que chacun pourrait trouver le sujet qui lui parle le plus. Là, j'ai choisi un sujet qui est facile à comprendre, qui est celui de position économique, un peu capitalisme-anarchisme. Il y en a un autre que j'adore qui s'appelle « La main gauche de la nuit » sur le rapport homme-femme. Il y en a un qui est fascinant qui s'appelle « Le nom du monde et forêt », plutôt sur la civilisation versus les populations sauvages, les populations, on va dire, premières, et le rapport au territoire, au vivant, à la forêt. Enfin, c'est... Voilà, chacune de ces œuvres est magnifique et je voulais vous le partager. Ouais, tu en parles bien, ça donne envie. Nous, on va voyager aussi en 2030 glorieuse. On va créer notre monde, un peu comme Ursula Le Guin, sauf qu'on aura 15 minutes et pas 15 tomes, voire plus. Et on va faire cet exercice d'arrêter d'être français pendant ces 15 minutes qui viennent, Maxime, à savoir qu'on va plus commencer nos phrases par oui-même et par et-si, et on va se dire que c'est possible. Mieux, on va se dire qu'on a gagné et partir du postulat qu'on a besoin de se projeter dans ces avenirs désirables pour ensuite, au présent, agir avec encore plus d'ambition, de discernement, de stratégie, mais aussi peut-être de capacité de rassemblement, de joie pour les faire advenir ces avenirs désirables. Et donc, pendant les 15 minutes qui viennent, à deux, on va essayer de dessiner un monde dans lequel bah, ton travail de l'époque, je ne sais pas si tu t'en rappelles, en 2024, tu étais cosmographe, là on est en 2030 glorieuse, à toi de choisir si on est en 2031, 2037, 2042, c'est toi qui le décides. Mais on va imaginer que d'une certaine manière tu es devenu obsolète parce que ce que tu prenais à l'époque est devenu une évidence, et de comprendre ce que ça implique dans la vie des gens, dans la vie des Françaises, des Français, et de leur rapport à tout un tas de choses qui sont devenues bien sûr pour nous essentielles en 2030 glorieuse, à savoir le rapport à l'autre, le rapport au temps, le rapport au reste du vivant. Et la première question que je te pose pour toi, Maxime, avec cette petite consigne qui peut paraître assez simple et qui, en fait, tu vas le voir, est sans doute assez complexe, c'est de bien parler au présent comme si tu étais en 2030 glorieuse, et que si tu utilises le futur, c'est pour parler d'encore plus loin, 2040, 50 glorieuse, et d'éviter le conditionnel, de décider, et même si il y a plein d'angles morts dans ce que tu raconteras et pourquoi pas certaines contradictions, on n'est plus à ça près, de décider que tout ce qu'on va raconter est potentiellement vrai, pour donner envie à celles et ceux qui nous écoutent de s'y projeter et d'œuvrer ensemble à que ces 2030 glorieuses elles arrivent encore plus vite. Est-ce que c'est clair pour toi ? Oui. Allons-y. Ma première question pour toi, Maxime, c'est, je ne sais pas où tu es actuellement, mais si tu regardes par la fenêtre du lieu où tu te trouves, qu'est-ce que tu y vois ? Alors là, de l'autre côté de la rue, hein, quand je regarde par la fenêtre, je vois une école primaire. Elle fait partie des écoles qui ont bien changé par rapport aux années 2020, puisque c'est des écoles qui ont été complètement végétalisées. En 2024, la quasi-totalité des écoles avaient des cours en béton, en goudron, sur lesquels les enfants s'écorchaient les genoux, je ne sais pas si tu te souviens. Et là maintenant, elles sont végétalisées, il y a des arbres, il y a aussi des animaux. On retrouve des animaux de la ferme, et même parfois des animaux sauvages, parce qu'il y a des corridors biologiques maintenant qui connectent un petit peu l'école à la forêt environnante et au littoral. Dans les années 2000, fin 2020, début 2030, un laboratoire en Finlande avait fait cette découverte concernant les microbiotes, tu sais, la flore intestinale des enfants dans les écoles. Et en fait, ils avaient réalisé que s'ils végétalisaient les cours d'école, en moins de 28 jours, la flore intestinale, le microbiote intestinal de tous les enfants était complètement reconstitué et comparable aux enfants qui vivent en permanence dans un monde végétalisé en présence d'animaux. En fait, cette découverte à l'époque, fin 2020, début 2030, avait vraiment touché la majeure partie de la population, et donc du coup, on s'est mis à massivement végétaliser les écoles, et donc cette école-là fait partie des premières, quoi, des pilotes. Et donc, si on se souvient que, bah, tu le dis, dans les années 2020, on bétonisait l'équivalent d'un département français tous les 10 ans de mémoire. Aujourd'hui, en 2030 glorieuse, on est sur une tendance inverse, presque peut-être même plus que l'inverse. On débétonise, on est parti pour débétoniser plus de l'équivalent d'un département tous les 5 ans, hein, c'est ça ? Alors, tout dépend, c'est une question de standard. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle artificialisation, qu'est-ce qu'on appelle béton, qu'est-ce qu'on appelle espace sauvage, mais on est sur cette tendance-là, ouais. En gros, les grands acteurs industriels de la construction vers 2029, 2030, 2031 ont vraiment commencé à décimenter, en fait, désartificialiser et désimperméabiliser les sols. Donc on s'est retrouvé sur, alors au début, je me rappelle les premières manifs contre les pistes, c'était le mot-clé. On veut pas des pistes, en fait, puisqu'il y a un certain nombre de revêtements, par exemple de goudron, des routes, des parkings qui ont été détruits et qui ont redonné la part belle au sol, en fait, hein. Parfois à la terre, au sable, avec de la poussière, ça a posé des problématiques de voisinage. Et puis très rapidement, avec les problèmes de sécheresse qui commençaient à être résorbés dans les territoires qui avaient fait ce travail-là de désimperméabilisation, de reconstruction des écosystèmes d'eau souterraine, en fait, la preuve a été faite que les bénéfices étaient vraiment plus souhaitables que les désagréments, et puis ça a été très vite après. Notre relation au territoire en 2030, c'est évident, elle a complètement changé. On va reparler de ça ensemble et tu vas me dire à quoi ça ressemble, mais dis-moi, comment, dans quoi on vit maintenant, comment ça s'appelle? Ça s'appelle encore des régions, des biorégions? Est-ce qu'on a des cartes de France, des savoir-faire, des ressources? Explique-moi un peu comment on voit le territoire en 2030. Alors, il y a eu une redistribution assez... alors, qui varie selon les régions du monde, mais en tout cas, chez nous, en Europe, il y a eu une redistribution des compétences et des responsabilités. Et l'idée, c'est qu'il n'y a plus la subsidiarité dont on a vu le résultat dans les années 2010-2020. Là, on est vraiment sur l'idée que l'échelon ultra-local, aussi bien que l'échelon mondial, et le plus pertinent pour un certain nombre de compétences. C'est-à-dire que sur la question du climat, eh bien, l'échelon ultra-local est devenu aussi pertinent que l'échelon mondial. Sur la question de l'éducation, l'échelon mondial est devenu aussi pertinent que l'échelon ultra-local. Et en fait, cette fusion, cette souplesse dans la relation au territoire entre le niveau monde, le niveau territoire avec toutes les graduations intermédiaires, un continent, nation, région, commune, etc., se sont apaisés après une grosse période de tension fin 2020 avec des replis identitaires un petit peu partout. Ça s'est apaisé quand il y a eu ces redistributions logiques et raisonnées, j'ai envie de dire, des compétences entre les différents échelons. Quand les échelons. Mais ça a été géré par l'ONU. Hein, de mémoire, je me rappelle qu'on disait de l'ONU à l'époque que c'était un peu devenu cette coquille vide où tout était blocage. Et depuis l'ONU, ben voilà, ça a été justement le grand espace de ces décisions de répartition des savoirs, répartition des productions, ou qui a redessiné le monde un peu pour enfin faire face à tous ces enjeux. Oui, alors ça c'est aux historiens de raconter un petit peu ça. On peut considérer que l'ONU, les Nations Unies ont participé, mais est-ce que ça vient vraiment d'eux ou est-ce que ça vient au contraire des communities, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des échelons locaux? En fait, on peut considérer que c'est en tout cas quand les Nations Unies ont réussi à connecter avec le territoire local, ce qui était loin d'être le cas depuis sa création. Sur presque un siècle, les Nations Unies étaient complètement hors sol, étaient complètement d'une espèce de vision technocratique, descendante, presque d'ingérence. Et c'est ce qui avait abouti au drame que l'on connaît de la fin des années 2020. Mais quand il s'agissait de reconstruire un peu, de rebâtir la relation des Nations Unies avec les territoires locaux et avec les populations, en fait, sur le terrain. Ouais, avec des vrais représentants du territoire, bien sûr. En fait, quand voilà, ce lien dans la verticalité s'est apaisé, ça a quand même amené beaucoup de choses. Et moi, je ne suis pas certain qu'on puisse dire que c'est l'ONU qui a impulsé. Ça a été aussi un phénomène émergent, c'est-à-dire qui est parti du bas vers le haut, et c'est les deux qui se sont rencontrés sans doute. Ouais, il l'a confirmé, il l'a systématisé. Toi, tout à l'heure, Maxime, tu parlais d'éducation, et je voulais t'entendre d'ailleurs à ce sujet. Parce que souvent, en tout cas à l'époque, on disait que bah, voilà, le changement, il allait venir de l'école, il allait venir des plus jeunes. Moi, j'aimerais bien quand même comprendre comment on a changé aussi notre relation au territoire par l'éducation. Est-ce que c'est de la géographie, où tu te souviens, on avait des cours de géo à l'époque qui sont devenus des cours de cosmographie. Est-ce que c'est le programme qui a été radicalement revenu, interconnecté peut-être à d'autres matières? Le moment clé peut-être au niveau de l'éducation, c'est quand on a vraiment commencé à parler de tout ce qui... des cours de chronoconscience, tu te souviens? En gros, quand on a commencé aux enfants à leur faire travailler sur la notion de temps. En fait, quand on a commencé à les faire travailler sur la notion de temps, le temps qui passe, le temps que l'on perçoit, on s'est mis à travailler sur la notion d'espace, et ça a réactivé l'intérêt pour eux de la géographie, de l'aventure, de la connaissance du monde, aussi bien que la connaissance de leur territoire environnant, la forêt à côté de l'école, la rivière. Et en fait, cette réconciliation qu'il y a eu entre l'espace et le temps chez les nouvelles générations, Ça a vraiment contribué à une prise de conscience des dimensions du territoire ou de la nature. On parlait beaucoup de, il y a encore 5-10 ans, d'éducation à la nature, même si aujourd'hui le terme de nature appartient plutôt au passé. Un peu désuet, bien sûr. Voilà, ouais. Mais en gros, à cette époque-là, on parlait encore de, c'était encore les derniers sursauts de ce terme. Mais en gros, moi, je pense que oui, c'est quand on a commencé à impulser. Il y a un programme d'éducation qui s'appelle le programme Moon. Qui a commencé à diffuser à l'échelle mondiale en Afrique beaucoup. La conscience de soi, du M, la conscience de l'autre, le others, the moon, la conscience de l'objet, c'est-à-dire la conscience des nouvelles technologies, de leur impact, de leurs risques et aussi des opportunités, et la conscience de la nature, donc N, moon. Ce programme pédagogique là qui s'est déployé très très rapidement. En Afrique d'abord, puis en Europe, et ensuite en Chine, et puis à la toute fin, aux États-Unis, en Amérique. Et je crois qu'il y a encore des pays qui n'utilisent pas du tout ce programme-là, mais ils se font rares. Ça a vraiment changé la donne, puisque là aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui regardent notre propre époque comme étant celle d'un certain nombre d'erreurs dont ils ne reviennent pas, mais en même temps ils ont réussi, je pense, à pardonner ceux qui les précédaient parce que c'est important, je crois, de pardonner comme nous on a pardonné à un moment donné, je pense, en tout cas pour la plupart, pas pour tout le monde, aux générations qui nous précédaient. Et ben là, les générations maintenant qui arrivent sur le marché du travail, et je pense que la plupart aussi nous pardonnent nos erreurs parce que on ne voyait pas tout ce qu'ils voient aujourd'hui. On a été pas mal inspiré tu te souviens, l'Espagne, Franco, et puis ensuite la République qui s'en est suivie avec, c'est vrai, des tribunaux, des jugements qui étaient nécessaires pour certains, mais ensuite aussi une grande période de pardon qui s'est ouverte par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, ce pardon, c'était une base nécessaire pour repartir. Tu parlais, on reste un tout petit peu sur l'éducation et d'être dans l'expérimentation. Je crois que la pratique, notamment de la géographie, elle a complètement changé. Aujourd'hui, on va sur le territoire, on marche, on laboure, on touche, on rencontre, on a des, chacun dans son carnet personnel a des cartes de ses passions, des cartes de ses connexions, des cartes de ce qui représente et ce qui répond à ses besoins vitaux, des cartes de son avenir souhaité. On est beaucoup plus proactif dans la conception de ces cartes qui font nos vies. En réalité, on est beaucoup plus dans l'expérimentation. On a déthéorisé pas mal de ce qu'on avait à l'époque comme pratique de l'école, je crois. Ouais, pas complètement. Si on résume la différence entre les jeunes d'aujourd'hui et ceux de notre époque, on va dire, que les jeunes qu'on était, c'est que aujourd'hui, les jeunes sont sensibles. Ils ont déployé une sensorialité qui n'a rien à voir avec la nôtre à l'époque. À l'époque, on était justement, je pense, soumis à tellement de forces, de tentations technologiques, de tentations même sociales aussi, qui nous écartaient de nos propres sens. Et je pense que réactiver la sensorialité, comme ça a été fait là, pour la nouvelle génération, au contact des éléments, au contact du vivant, au contact de la pluie, de la lumière, ces véritables politiques de sensorialité qui ont été menées dans les entreprises, dans certaines régions du monde, c'est sans doute la plus grande manifestation de ce tournant qui nous amène dans un nouvel âge et qui nous a fait sortir du néolithique au début des années 2030. Toi, tu travaillais justement à cette compréhension de la nécessité du soin, de l'attention à l'époque, avec tes multiples casquettes. Ma question pour toi maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais en 2030 Glorieuse ? Est-ce que tu as l'impression d'être obsolète, justement ? Est-ce que tu as encore besoin de prendre ton bâton de pèlerin pour dire l'importance de tout ça ? Est-ce que tes pratiques ont évolué ? Est-ce que tu as radicalement changé de parcours ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, la conscience du territoire, la conscience de l'altérité, la conscience de l'autre, la conscience du temps et de l'espace est infinie. Elle n'a absolument pas de fin. Il n'y a aucun moment où on dira « bon, bah, ça y est, on a conscience ». En fait, c'est sans doute une voie d'expansion et de croissance illimitée. Donc, les formes ont changé par rapport à 2024. Clairement, il y a du chemin qui a été accompli. Donc là, on est sur des niveaux, on va dire, de précision, de puissance et de sensibilité qui sont très différentes, parce qu'on a vraiment fait du chemin en matière de conscience, collectivement, je veux dire. Individuellement, il y a toujours eu des gens qui étaient très, très, très conscients des enjeux. Mais là, collectivement, ensemble, sur des chiffres, enfin sur des sociétés entières, on a réussi à élever comme ça notre conscience. Et en fait, ce travail-là, il n'a pas de fin. Donc en fait, moi, je ne sais pas combien de temps je vivrai, mais je ne vais pas être au chômage. Non, et puis en général, avec l'âge et les années qui passent, on a envie de transmettre aussi. Donc peut-être un jour une école de la cosmographie dans laquelle tu te lancerais, ou j'imagine bien ce genre de pratique peut-être. Oui, alors ça va vraiment être par la création culturelle, par les films, par les livres, par les livres jeunesse. Plutôt que de créer une école, moi j'ai jamais vraiment eu la vocation à créer une école au sens physique. Par contre, une école de pensée et auxquelles peuvent se rattacher des œuvres d'art, c'est ce que j'essaye de faire avec plein de gens qui, aujourd'hui, y contribuent d'ailleurs plus que je ne l'ai jamais fait. Hein. Alors, c'est pas une vraie école, mais c'est une direction à laquelle je me suis associé, qui était en train de naître en fait depuis le début du XXe siècle et qui a vraiment pris tout son sens au début des années 2030. Et donc voilà, donc c'est pas vraiment une école, mais un courant, ouais, contribuer à un courant avec plein d'autres. Si jamais, Maxime, on devait commencer à réatterrir un peu en 2024, et que les gens qui nous écoutent, ils se disent « bon, bah, en fait, là, moi, tout ce qui m'ont fait toucher du doigt, tous ces aperçus, j'ai envie de les concrétiser sans attendre, et là, la conversation se termine, je m'y mets ». Ben, ils se mettent à quoi? Par quoi tu conseilles de continuer? Alors, la première étape, c'est de réfléchir à ses propres sens, donc éveiller sa propre sensorialité. En fait, on se coupe de plus en plus de nos sens. Quand on fait le point sur sa vie, c'est faire le point aussi sur notre contact avec le territoire, avec le vent, avec le vivant, avec la lumière. C'est une première étape. Il ne s'agit pas du jour au lendemain d'aller se jeter au milieu de l'océan. Mais donc demain il pleut, on sort. Ouais, mais ce genre de choses. Moi, en déménageant, j'ai vécu 17 ans à Paris. Ça fait 4 ans maintenant que je suis en Bretagne. En fait, la pluie, je me suis mis à l'aimer. Moi, j'ai grandi dans le sud-est. Je suis né à Lyon et j'ai grandi dans le sud-est, donc vraiment en Provence avec le soleil et les orangers et les oliviers, quoi. Et en fait, au début, quand je suis arrivé en Bretagne, j'avais cette crainte de la pluie, comment j'allais la vivre. Alors qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais équipements, comme disent les Suédois. Bah, quelque chose comme ça. En fait, j'ai réalisé que la pluie sur mon visage, maintenant, c'est un bonheur incroyable, tout comme un rayon de soleil, le premier rayon de soleil printanier, ou même une bonne chaleur en été, je peux l'apprécier. Si il y a un adage qui vient plutôt des pays ruraux, dont ma famille vient dans le Beaujolais, qui est « le mauvais temps, c'est le temps qui ne change pas ». Donc il y a cette idée que, en fait, quand il y a de la variété, quand il y a du mouvement, et c'est aussi quelque chose, je pense, qui est important à l'intérieur de soi. On vit, on avance, on crée du souffle et donc de l'enthousiasme et de l'énergie. Et donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai réactivé aux alentours de 2018-2019 quand je suis venu m'installer en Bretagne. Et je pense que tout le monde peut le faire à son échelle, dans les territoires qu'il souhaite, et voire même dans les entreprises collectivement ou dans les administrations, commencer, comme je l'ai fait avec un certain nombre de services RH ou innovation, à réfléchir à la dimension sensorielle des équipes, des entreprises, parfois des entreprises qui emploient 10 000, 20 000, 100 000 personnes, se poser la question de leur contact collectif avec le territoire, avec une véritable politique de sensorialité, c'est une première étape. Ensuite, il y a d'autres étapes, qui est celui de réfléchir à son rapport aux nouvelles technologies, à son rapport au vivant, à sa connaissance de son propre territoire. Est-ce que je connais le nom de ma rivière? Est-ce que je connais le nom de la forêt que je traverse quand je vais au travail? Est-ce que la notion de nom, de toponymie, c'est-à-dire le nom que l'on donne au lieu, est importante aussi dans notre relation au territoire? Et puis, dernier conseil, qui est utiliser des cartes.